Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous donc sur Radio Fadjet, la boîte à BO. Chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien aujourd'hui Francine, c'est la dernière de la saison. Et oui, plus de 30 numéros de la boîte à BO pour cette première saison donc sur Radio Fadjet. Alors Francine, l'occasion, je crois, de revenir sur les grands succès de la boîte à BO. Et oui Jérôme, mais pour ce dernier numéro de la saison, nous avons décidé de revenir sur les BO coup de cœur que nous avons diffusés sur Radio Fadjet cette année. Donc forcément de très beaux morceaux. Eh bien, parfait Francine. Sans plus tarder, voici donc la boîte à BO et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, vous savez que vous pouvez donc laisser sur notre page Facebook donc de Radio Fadjet le titre que vous souhaitez écouter en nous expliquant en quelques lignes les raisons de son choix. Donc, on attend vos suggestions pour les numéros de la rentrée. Alors, après le premier coup de cœur diffusé lors de la première émission, eh bien, nous avons donc choisi donc un grand maître de la musique de film, Ennio Morricone, bien connu pour ses célèbres musiques de western dont Il était une fois dans l'Ouest. Mais cette fois-ci, un autre bijou, la BO de Cinéma Paradiso, un film de 98 réalisé par Giuseppe Tornatore avec l'inoubliable Alfredo, donc interprété par Philippe Noiret. Et cette musique avait été mon premier coup de cœur lors de la première émission. Alors si vous avez vu donc ce film, vous repenserez alors à cette émouvante scène finale accompagnée par le titre donc Love Theme. Alors je vous propose donc tout de suite de retrouver un extrait de la BO du film donc Cinéma Paradiso. Thank you.

wish I could, but I just won't. I'll never love again. I'll never love again. Ooh. C'était Lady Gaga, I'll Never Love Again, un extrait de la BO du film A Star Is Born, qui a été donc l'un de nos coups de cœur, puisque nous avons décidé donc cette semaine de revenir sur les grands coups de cœur de notre première saison de la boîte ABO. Et maintenant, passons à l'une des plus belles musiques de film, La Liste de Schindler, sortie en 93, la même année que Jurassic Park, du même Spielberg. Quel contraste! Alors, pour réaliser ce film, Spielberg accepta de ne recevoir aucune rémunération, estimant que cela aurait été donc l'argent du sang. Et bien sûr, encore un Oscar pour la musique de ce film, composée par John Williams. Alors, Renaud Capuçon, violoniste français, a sorti en 2019 un album, Capuçon fait son cinéma, et parmi ses musiques de films préférées, il ne pouvait ne pas avoir celle de La Liste de Schindler, que je vous propose donc d'écouter tout de suite. Thank you. Voilà, c'était donc un extrait de la liste de Schindler, donc une musique composée par John Williams. Alors maintenant, nous allons écouter ton coup de cœur, Francine. Alors oui, Jérôme, avec la musique du film « La vie est belle », comédie dramatique italienne écrite et réalisée par Roberto Benigni, sortie en octobre 1998 en France. Le film a remporté de nombreuses récompenses, 3 Oscars, 1 César, 63 prix au niveau international. L'Oscar du meilleur acteur remporté par Roberto Benigni est seulement le deuxième gagné par un acteur dans un film qu'il a réalisé lui-même. Le premier fut remporté par Laurence Olivier pour Hamlet en 1948. Quant à la musique composée par Nicola Piovani, elle a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film. Je vous propose donc d'en écouter un extrait tout de suite. Alors, autre coup de cœur, la BO du film Moulin Rouge. Et c'était Isabelle, une fidèle auditrice, qui avait été séduite justement par le côté fantasque et éclectique de cette bande originale qui réunit notamment David Bowie, Bono, Elton John, Paul McCartney, Christina Aguilera et bien entendu Nicole Kidman et Evan McGregor. Comme le confirme le directeur musical du film, les choix des musiques étaient illimités et il affirme que son seul but était de susciter des émotions inédites et surprenantes. Objectif atteint. Donc, je vous propose donc tout de suite d'écouter un extrait de ces très belles bandes originales comme What May. Thank you. Cette merveilleuse musique du Moulin Rouge, autre coup de cœur de la saison avec François de Roubaix. Un météore de la musique du film puisque François de Roubaix a disparu trop vite, trop tôt en 1975 à 36 ans lors d'une plongée sous-marine nocturne aux Canaries. Doué d'un remarquable sens de la mélodie, il travaille énormément sur les sonorités, la diversification instrumentale et les mariages entre instruments. Remarqué sur les grandes gueules de Robert Enrico en 1965, il récidive 2 ans plus tard avec les aventuriers toujours de Robert Enrico. Histoire d'amitié virile et d'impossible amour à trois, ce film où Delon et Ventura se partagent la vedette, casse la baraque et révèle le jeune compositeur au grand public. Solaire et sentimental, servi par d'imparables retrouvailles sonores comme le thème principal où dialogue un piano à cran et un siffleur soliste de Roubaix himself, le thème principal que je vous propose de retrouver. Thank you. Voilà, c'était un extrait donc de la bande originale Les Aventuriers, donc avec François de Roubaix. Ainsi s'achève donc ce dernier numéro de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez pris plaisir donc de découvrir ou de réécouter ces musiques de films qui ont jalonné cette année. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Alors sachez que tout cet été, on ne vous quitte pas parce que nous allons rediffuser quelques numéros de la boîte à BO. Alors Francine, non pas à la semaine prochaine, mais à la rentrée au mois de septembre. Tout à fait, Jérôme, au mois de septembre. Voilà, au mois de septembre. Et pour terminer donc cette émission, eh bien, on va terminer avec un des maîtres de la musique de film. Je parle de Bernard Herrmann avec le film Sueur froide. Sueur froide qui est, ce film a été élu deuxième long métrage le plus important de l'histoire du cinéma derrière Citizen Kane. Alors terminons la boîte à BO sur la bande originale de ce film et rendez-vous donc à la rentrée au mois de septembre. Bon été à tous et n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.